Puis comme un hater in my life, quand je repense à mes memories, mon esprit vagabonde, peine et misère, c'est là que je le réalise. I got some money in my pocket. Trop jeune pour être une défaite. Faut que je cours pour combler les nerfs. J'ai trop pensé mal qui me reviennent en tête. Quand faut que je pense trop à mon passé, y'en a qui vivent bien plus heureux. Ouais, je sais, mais quand même, c'est pas trop facile. J'étais un petit soldat de pion qu'on maltraitait. On prenait comme bouche-trou entre vous et moi. For real, c'est qui est le plus fou? Hey! T'inquiète, mon envie, si j'ai pas tout compris. Les innocents, on en raconte partout à chaque coin de rue. Mais vous faire un pari, je finirai pas pendu. J'étais un sourd de l'heure de mourir, j'avais peur. Vous êtes le meilleur d'avis, mais ma façon, ça me le détruit. Je voulais juste satisfaire, je voulais juste plaire. Ça m'a fait realize qu'il faut que je fasse mes choses comme bon me semble. Au secondaire, j'étais tellement dur. Des notes de marbre et des papiers reliés. J'étais encore un enfant, j'étais capable de me faire manipuler. Mais à ce que je suis plus grand, c'est l'heure de réellement me dévoiler. À pas pour stresser, j'écrivais déjà hier, on riait de moi hier. Fuck you, c'est Cap qui m'ont fait une enfance misérable. J't'année d'entendre vos fucking faces me traiter d'incompétent. J'trouve ça très désagréable quand dans ma façon me ment. Hello, I'm still there, mais après vos souhaits de merde, y'en a qui veulent j'arrête la musique, mais ça me donne des pulsions. Ouais, c'est magique, j'l'ai dit assez souvent. Mais vous m'aidez pas tant, maintenant j'aimerais personne, mais j'laisse les gens se reconnaître. Y'en a beaucoup que je traiterais le cas, vous m'avez fait capoter d'en face, j'ai voulu vous sauter. Mais dans mon cœur, j'étais trop gêné. L'intimidation physique ou verbale, j'ai besoin d'une distraction pour pas finir à l'hôpital. L'intimidation physique ou verbale, j'ai besoin d'une distraction pour pas finir à l'hôpital. Pas finir à l'hôpital. Yeah, yeah.